Chapitre 2e. En se rendant chez le chef de la police de Colombo, Icoteruca était bien décidé à ne pas accepter ses offres, si tentantes qu'elles fussent. Après les efforts qu'il avait dû fournir pour en finir avec Friedrich Spieder et sa bande, il avait grand besoin de repos. Mais l'affaire qui venait de lui être exposée était si extraordinaire qu'il n'eut pas le courage de refuser. Si le gouvernement japonais y consent, je ferai pour le mieux pour découvrir les rubis de Siva et leurs voleurs, dit-il. Mais je ne vous promets pas de réussir, car je pense que l'affaire est beaucoup plus compliquée que vous ne le croyez. Enfin, je ferai pour le mieux. Le chef de la police de Colombo, tout heureux, remercia chaleureusement le célèbre détective et lui remit sur le champ un papier qui lui donnait plein pouvoir pour agir au mieux de l'intérêt de la justice et ordonnait à tous les fonctionnaires anglo-indiens de lui prêter des protections sur sa demande. « Je vais immédiatement faire câbler au gouvernement japonais, » termina le chef de la police. « Dès demain, vous aurez certainement la permission de rester dans l'Inde jusqu'à la réussite de vos efforts. » Icoteruca, ayant mis dans son portefeuille le papier que venait de lui passer son interlocuteur, se fit donner encore quelques détails puis se retira. Il n'y avait pas de temps à perdre en effet. La première chose que fit Icoteruca fut de se rendre chez l'inspecteur Boltham, qui avait fait la première enquête, celle qui avait abouti à l'arrestation de l'ingénieur Gilcott. M. Boltham habitait dans un petit bungalow près du jardin botanique. Il reçut aussitôt le détective japonais. « Je ne peux guère vous donner plus de détails que mon chef, » dit-il en réponse aux questions d'Icoteruca. « À mon avis, ce Gilcott fait partie d'une bande de voleurs internationaux, dans le genre de celle de Friedrich Spieder, et peut-être plus redoutable encore. » C'est un homme très fort. Il a dû être délivré par des complices. Quant aux rubis, il nous faut désespérer de les ravoir. Ce Gilcott vivait seul ? Demanda Icoteruca, sans donner son opinion sur les affirmations de Boltham. Absolument seul avec un boy nommé Tambol. J'ai interrogé Tambol, il ne sait rien. Vous comprenez bien que son maître s'est gardé de se confier à lui. Je comprends, fit le détective japonais qui remercia son interlocuteur, et se fit immédiatement conduire à la prison d'où s'était évadé Gilcott. Il fut aussitôt renseigné. Comme l'avait dit le chef de la police de Colombo, Gilcott avait été aidé du dehors pour fuir. Le surveillant du groupe de cellules dont faisait partie la sienne, ainsi que les deux factionnaires de garde à la porte de la prison, avaient été endormis à l'aide d'un narcotique. Et le chef du poste de garde, un Anglais, avait été trouvé mort, étranglé, au milieu du chemin de ronde. Mais de quel côté s'était dirigé le fugitif? C'était ce qu'il était impossible de deviner. Aucune trace. Les gens du voisinage interrogés n'avaient rien vu. Icoteruca visita la prison. Il se fit conduire dans la cellule qu'avait occupée Gilcott et remarqua que la serrure de la porte était intacte. Les barreaux du soupirail éclairant le cachot n'avaient pas été touchés. Icoteruca interrogea les gardiens ainsi que le directeur de la prison. Personne ne savait rien, ne comprenait rien. Le seul fait certain, c'était que le chef du poste de garde avait été étranglé à l'aide d'un foulard de soie écrue. C'était là la seule trace que les complices de Gilcott avaient laissée de leur intervention. Comment Gilcott s'était-il évadé? Mystère. Icoteruca ne fit aucune observation. Il quitta la prison, après avoir remercié tout le monde, et regagna la chambre qu'il occupait à l'hôtel Windsor. Personne ne devait plus les revoir, car la nuit venue, le célèbre détective sortit, ou plutôt ce fut un misérable hindou qui quitta l'hôtel à l'insu de tous. Icoteruca s'était habilement grimé. Une épaisse perruque noire, savamment relevée par un peigne, à la mode hindou, surmontait son visage bruni à l'aide d'une teinture. Icoteruca, pieds nus, vêtu de loques de cotonnade, ressemblait plutôt à un mendiant qu'à autre chose. Il se dirigea aussitôt vers le cottage qu'habitait Gilcott au moment de son arrestation. C'était un élégant pavillon qu'un jardin, enclos d'une épaisse haie de bambou, séparait de la rue. À travers le feuillage, Icoteruca, grâce au clair de lune, put voir que les volets étaient fermés. L'habitation paraissait abandonnée. Il était bien évident que le fugitif n'avait pas été assez naïf pour risquer de se faire reprendre en regagnant sa maison. Icoteruca, cependant, se glissa à travers les bambous, traversa le jardin, et arrivé devant une des portes, entreprit de l'ouvrir à l'aide d'un rossignol dont il s'était muni. Il voulait en effet visiter la maison à l'insu de tout le monde, surtout des complices du fuyard. Le battant céda à ses efforts, mais le détective japonais le referma aussitôt. Il venait d'entendre parler dans la maison.